Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Je vais passer une nuit magnifique. Ouais, ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. Le ministre belge de la Défense, Pister de Crème, a fait une déclaration qui fait trembler le gouvernement actuel. Ouais, lors d'une interview pour un magazine, Pister de Crème a déclaré qu'il a toujours rêvé faire de la pâtisserie. En France, Michel Sapin ne supporte plus les critiques de Jean-François Copé. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Michel Sapin, a dit « S'il continue, il va voir de quel bois je me chauffe ». Insolite, il se présente dans un hôpital avec une anguille coincée dans son anus. Ouais, il semblerait que Magloire se soit mis à la pêche. Le calendrier Maya s'était trompé sur la fin du monde. Elle n'aura pas lieu en décembre 2012. La fin du monde aura lieu en novembre 2013. C'est à cette date que Mylène Farmer va entamer une nouvelle tournée. Ah oui, ça c'est vrai, c'est dur. Hein. Ouais. Ah ouais. Et pour terminer, si vous aimez le whisky et les vieilles femmes reloues, buvez un Jack Tati Daniels. Sinon aussi, vous pouvez sortir avec Aline. Voilà, ça c'est possible pas, aussi. C'est pas sympa. C'est pas sympa. C'est vrai, c'est pas sympa, mais je suis pas sympa. D'accord. Voilà. Tous les matins, 6h-6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Eh bien j'ai trouvé deux gamers extraordinaires. On en parlait hier, hein, justement, donc avec David de la F1 2012. Et donc deux gamers extraordinaires. Enfin, c'est un gamer et son mec, en fait, pour être précis. Quand Jean-François continue de s'occuper des tâches ménagères, c'est Grégory qui finit par s'énerver de ses allers-retours. Attention, je passe. Tu n'as pas passé 36 fois en train de jouer quand je joue, hein. Tu m'embêtes sérieusement maintenant, hein. Tiens, voilà, il vient de me faire perdre. Oh, il m'énerve, Et comme tous les accros, eh bien, il a du mal à décrocher de sa console. Tous les soirs, c'est la même chose. Impossible pour Grégory de lâcher ses manettes. On coupe la console et tu viens te coucher. Non, je vais pas te coucher toi-même. T'es en train de me bouffer mon oxygène. Il est 3h30 du matin. T'es en train de me bouffer mon oxygène. Et ça, c'est bon. Et le plus beau, évidemment, tous les deux. Mais oui, le plus beau dans tout ça, évidemment, c'est de savoir comment ils se sont rencontrés, nos deux amoureux. À votre avis, ils se sont rencontrés comment? Dans une LAN ou un truc comme ça, les trucs de gamer. Dans une discothèque ou quoi? Dans une discothèque. Ouais. Nous le rejoignons en compagnie de Jean-François dans un grand parc d'attractions. Alors ça, c'est l'endroit où je me trouvais tout le temps quand je venais, puisque je collectionnais les pins. C'est vrai que je regardais tout le temps les pins, parce que moi aussi j'adore les pins. C'était le début de notre histoire. La question, c'est qui collectionne les pins en 2012? Oui, c'est ça. Même en 2002, hein, tu vois, je veux dire, c'est quand même exceptionnel, quoi. Il collectionnait des pins, c'est un truc de ouf. Mickaël à la radio, le replay. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Et Christopher avec nous maintenant. Bonjour Christopher. Oui, bonjour. Comment ça va? Super. Bon, il y a aussi la vidéo du défi de Tof, défi du poivre également, qui est disponible sur le Facebook de l'émission. Ouais, il n'y a pas de problème, Christopher, c'est très bien. Bon, tu appelles de tournée, toi, tu es chauffeur routier. Et nous allons jouer au vrai-faux des stars. Vrai-faux des stars, c'est très très simple. Je te pose 5 questions. Il faut répondre par vrai ou par faux à chaque fois. Si tu fais 3 sur 5 minimum, c'est gagné, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, Christopher, on y va. Première question. Vrai ou faux, Joey Star n'aime pas qu'on lui dise chut. Vrai. Vrai. Bonne réponse. Ouais, il était invité avec Gad Elmaleh en fait sur le plateau du JT d'RTL. C'était la semaine dernière, ouais. Voilà, et donc du coup, le présentateur lui demande se taire avant de prendre l'antenne. Et c'est puis ça. Il a dit quoi tu me dis chut à moi. Voilà. Mais c'est bien parce que il a géré, il sait pas. Il a dit ouais, je dis chut, alors quoi, c'est un problème. Quoi. Oh là là. Heureusement, Gad il était là parce que il voulait se barrer. Gad dit vas-y, me tiens pas. Oh, c'est ça, j'ai cru qu'il en retrouve une même, tu vois. Qu'est-ce qu'il est relou celui-là, c'est un truc de ouf. Alors, vrai ou faux, 50 Cent prône la masturbation? Faux. Bonne réponse. Mais il a dit que c'était nul en fait. Il offre même sa méthode pour arrêter la masturbation en 4 étapes. Voilà. C'est un peu comme arrêter de fumer, mais en mode. D'accord, ok. Voilà. Bon, votre Weight Watchers. Eh bien, je la suivrai pas. Autant de points. Avec des points. Bon, vrai ou faux, Ben Affleck a un sperme extraordinaire? Faux. Faux. Non, pardon. C'était vrai. Ouais, bah en fait, il parle d'avoir un quatrième enfant. Bon, elle sait pas trop de son goût, mais apparemment, il aurait effectivement un sperme extraordinaire. Et donc, peut-être qu'ils auraient un quatrième enfant. D'accord. Ouais, et on parle de qui? De quoi? On parle de qui? Bah de son épouse. Ah, oui. Comment elle s'appelle? Oh, vous me faites chier avec vos noms. Allez, rigolons. Comment elle s'appelle? Après, si vous pas troll. Mais non, attends. Bon, comment elle s'appelle? Je te dirai tantôt. Mais non, là maintenant. Non, non, Bah ouais. Alors. C'est vraiment des gros Jennifer Garner, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est mieux que Ginette Patrol. Hein. Ah, tu vois, celui-là, je le gère. Ce qu'elle avait dit la semaine dernière, Ginette Patrol à la place de Gwyneth Patrol. Pas le trop, pardon. Vous allez en parler combien de temps? Il faut quand même préciser pour ceux qui n'étaient pas là. À mon avis, on va en parler pendant un petit bout de temps. Bon, vrai ou faux, Chris Brown est un mec fidèle? Pardon? Je dis vrai ou faux, Chris Brown est un mec fidèle? Faux. Bonne réponse. Il a trompé sa copine avec Nicole Scherzinger, en fait. Et en fait, elle est déjà en couple aussi avec. Oh, bah ça va, ils s'emmerdent pas quand même. Ça va, il est bien là. Mais ils sont peut-être échangistes. Mais ouais, il est plutôt bien là. Bon, et puis vrai ou faux, le chanteur Dave a aimé une femme? Vrai. Bonne réponse. Ouais, une histoire d'amour avec une animatrice télé. Oh, ouais. C'est mignon. Comme quoi, tout arrive. Hein. Bah, exactement. Ouais. En même temps, il l'avait toujours dit, hein, il aime les dames. C'est vrai. Bon, Christopher, bravo, tu repars avec l'iPod, hein, 4 sur 5, c'est pas mal. Bon score. Bah, merci, je suis super content. Et continuez comme ça parce que je vous écoute tous les matins pendant que je suis dans mon camion. Quoi. Oh, bah, c'est gentil. Un camion? T'as un camion quelle couleur, Christopher? Regarde là. Mon camion, il est blanc et bleu. Est-ce que tu as une grande couchette? Parce qu'Aline, elle adore les camions blancs. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h, 9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Les dauphins ont parfois la gueule de bois, mais jamais à cause de leur facture GSM. Avec Dauphin, nous leur proposons d'envoyer des SMS et de surfer sur Facebook de façon illimitée, pour seulement 15€ par mois. Profitez de l'illimité, c'est le meilleur moyen de limiter vos dépenses. Dans tous les Mobistar Center. Mobistar. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Bon alors Sébastien, 28 ans de Liège donc, et tu vas jouer au Free Code Game. Tu connais le principe ? Oui, bien sûr. Parfait. Bon, je vais le répéter en très rapidement pour les auditeurs qui viennent de débarquer. Le principe est simple, il y a 4 séries de questions. Les séries de questions qui vont de la plus facile à la plus compliquée, et évidemment avec des plus petits au plus gros cadeau. Le Free Code Game. C'est parti maintenant pour le Free Code Game. Donc tu choisis quoi? Petit paquet, grand paquet, Durum ou mitraillette? Petit paquet évidemment, c'est pour gagner des compiles Fun Radio. Grand paquet, c'est pour gagner des places de ciné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Durum, c'est pour gagner un iPod. Et puis mitraillette, c'est pour gagner un Samsung Galaxy. Je suis perturbé parce qu'en fait, il y a mon trackpad de l'ordinateur qui part totalement en sucette. Donc dès que je le touche, il y a tout qui part dans tous les sens. Donc c'est tendu. Sébastien, qu'est-ce que tu choisis? Dis-moi. Je vais essayer Durum. Tu vas essayer Durum? Ouais, c'est bien. Eh ben écoute, c'est très bien. Raison, c'est non, mais raisonnable. C'est bien. Moi, t'es pas trop gourmand. Allez, on y va. Première question. Il faut faire 3 sur 5 minimum, d'accord? Ouais. Et répondre du tac au tac. Qu'est-ce qui fait... Attends, que je recommence. Qu'est-ce qui fait le plus de morts chaque année? Les requins ou les noix de coco? Les requins. Les requins. Mauvaise réponse, c'était les noix de coco. Eh ouais, comme quoi tout arrive. Bah ouais, c'est pour les allergies, tout ça, machin. Bah ouais. Question suivante. Comment dit-on kayak à l'envers? Kayak. Bonne réponse, effectivement. À un mois près, combien de temps passe-t-on en moyenne un automobiliste pardon, devant un feu rouge durant toute sa vie? Par mois. À un mois près. Sur toute sa vie, à un mois près, donc ça veut dire, tu me dis 8 mois, si c'est 9 mois, bah t'as gagné, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je veux dire, bah 11 mois. 11 mois. Non, c'était 6 mois quand même, n'abusons pas. Entre le moment où il est au feu rouge, le moment où il est aux toilettes, le moment où il dort. Enfin, au final, on vit pas beaucoup. Hein. On vit pas grand chose en fait. Ouais. Bon, vrai ou faux, les moustiques ont des dents? Faux. Ah donc? Ah oui, ça marche plus. C'est bon, ça fonctionne. Et enfin, quelle est la capitale du Maroc? C'est vrai, les moustiques ont des dents. Oui, c'était vrai, oui. Ah, j'ai des dents, mince. Capitale du Maroc, c'est Agadir. Mauvaise réponse, c'était Rabat. Ouais. Eh oui. Bon, bah, si je peux me permettre, je crois qu'Agadir, ça n'est pas au Maroc. En plus. Bon. Et bien, si Agadir, c'est au Maroc. Oui, c'est au Maroc. Ah non, c'est Tunisie, c'est vrai, t'as raison, je suis con, ouais. Oui, ça fait. Bah eh ben, écoute, Sébastien, tu n'as pas été mauvais, tu étais très mauvais. 1 sur 5, la honte. Oh là là. L'important, c'est de participer. Exactement. C'est ce qu'on dit. Et exactement vrai. C'est exactement vrai. Bon, et eh bien écoute, passe une bonne journée quand même, Sébastien. On va dire, c'est bien au Maroc, hein, on dit que de la merde. Ah bah, donc quand même, vous m'avez mis en erreur, aussi, là. Évidemment. Bon, salut Sébastien, ciao à toi, bye bye. Bisous. Bah oui, donc c'est bien ce que je dis. Mickaël à la radio. Le replay.